rentres du bureau, tu te sers un whisky parce que t'en as plein d'eau de te battre avec la vie. Tu me prends dans tes bras, mais tu me demandes même pas comment ça va. Tu t'assois dans ton coin, tu ne me dis jamais rien. Tu penses à tes affaires, c'est ton seul univers. Tellement que je me dis parfois que si je n'étais pas là, tu t'en apercevrais même pas. Tu t'en apercevrais même pas. J'ai besoin de parler, de parler à quelqu'un qui voudrait simplement m'écouter. J'ai besoin moi aussi de parler. Si ce n'est pas à toi, dis-moi qui. J'ai besoin de parler, besoin de te parler, pour savoir où j'en suis de ma vie avec toi. J'en suis même arrivé jusqu'à me demander, est-ce que je t'aime autant qu'elle. Tu te lèves toujours tôt, tu dévores tes journaux, tout ce qui se passe entre nous, on dirait que tu t'en fous. Mais ce qui se passe en Iran ou en Afghanistan, ça te passionne. Et quand tu me téléphones au milieu de la journée, c'est pour me demander ce que j'ai fait pour dîner. Mais qu'est-ce que tu dirais si un soir tu rentrais et tu ne trouvais plus personne? Non, tu ne trouvais plus personne. J'ai besoin de parler, de parler. De parler de ma vie, si ce n'est pas à toi, dis-moi qui. J'ai besoin de parler, besoin de te parler, pour savoir où j'en suis de ma vie avec toi. J'en suis même arrivé jusqu'à me demander, est-ce que je t'aime autant.